Selon la presse sud-coréenne, les occupants américains en Corée du Sud ont utilisé le courrier militaire international pour emporter plus de 1200 balles réelles et des fusils à air comprimés en janvier dernier. Dès le début de l'année, il y a eu 40 cas d'une telle contrebande révélée. La drogue aussi utilise le courrier militaire. L'année dernière, parmi les troupiers américains, on a découvert 14 214 trafiquants de stupéfiants, soit 19,3% de plus que l'an 2015 qui a compté 11 916 trafiquants.